1, 2, 3, 4. Je vous raconterai bien une histoire qui n'a pas grand lien, d'une fille sur le chemin, reliant mes 20 ans à mes 21. Elle était pas extraordinaire, mais j'avais le cul à terre quand elle m'a dit tout ce qu'elle voulait faire. L'amour sans préliminaire et sans mystère. Non, on causait pas beaucoup, l'autre était un bon coup. Je la découvrais jusqu'au bout, son odeur, sa sueur, j'y ai pris goût. Elle avait rien d'extraordinaire, mais j'avais le cul à terre quand elle m'a dit tout ce qu'elle voulait faire. L'amour sans préliminaire et sans mystère. C'était un rapport animal, idylle idéal avec femme fatale. Pas trop de séquelles au moral, c'était une amante phénoménale. Oh, elle avait rien d'extraordinaire, mais j'avais le cul à terre quand elle m'a dit tout ce qu'elle voulait faire. L'amour sans préliminaire et sans mystère. Là-haut on pourrait me punir, mais ce fut un plaisir d'entièrement la parcourir. Bon, elle était pas si ordinaire, et j'avais le cul à terre quand j'ai vu tout ce qu'elle pouvait faire. L'amour sans préliminaire et sans mystère. Mais j'avais le cul à terre quand elle m'a dit tout ce qu'elle voulait faire. L'amour sans préliminaire et sans mystère.